À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, divers pays ont fait parvenir des messages et lettres au maréchal Kim Jong-un. Ce sont les dirigeants des partis politiques de divers pays, comme le secrétaire général du comité central du Parti communiste népalais, marxiste-léniniste, les présidents du Parti communiste allemand et du Parti pour la paix et l'unité de Russie, le secrétaire général du Rassemblement populaire d'arc-en-ciel de Guinée et le dirigeant national du Parti travailliste mexicain, les personnalités de haut rang des milieux politiques, sociaux et économiques de divers pays comme la Chine, la Malaisie, le Danemark, la Biélorussie, la Libye, le Bénin, le Brésil et le Pérou, ainsi que les représentants des institutions internationales, des organisations d'études, des étudiants et des formations d'amitié et de soutien à la réunification coréenne. Les dessinateurs ont souligné que les exploits révolutionnaires du président Kim Il-sung, qui a créé les immortelles idées du Jutsu et a bien conduit la révolution coréenne et la cause d'émancipation du monde, seront éternels. Par ailleurs, le comité central du Parti populaire cambodgien a fait parvenir un message au comité central du Parti travail de Corée.